à Niamey, comme à Cotonou, à Brazzaville, à Bamako, au Burkina et au Congo, à Conakry, à Tombouctou, il y a des types qui rêvent de chez nous. Dans le monde ils sont plus de 3 milliards, tous les jours qui sont prêts à tout pour gagner plus que leurs 2 dollars. À force de voir des blancs bronzés faire des rallyes dans des bagnoles, quand Milan tu peux pas te payer, c'est pire que le palu, la vérole. Ça te lâche plus l'idée de t'envoler vers l'Europe ou bien l'Amérique. S'il faut, t'es prêt à traverser, même sur un canard en plastique. Un beau jour où t'as trop la rage, tu te faufiles dans l'aéroport, jusque dans le train d'atterrissage d'un Boeing qui part vers le nord. Il décolle, tu trouves qu'il fait frais, t'es bien content, ça te change un peu. Une heure après, t'es tout surgelé, recroquevillé contre les pneus. Que tu sois bambara ou peul, marocain, malien, béninois, quand la trappe s'ouvre, tu te casses la gueule et tu t'écrases 1000 mètres plus bas, près d'un petit pavillon de banlieue, bien plus paumé que le Sahara. Soleil indifférent et creux de donnant de jardin made in China. Et que tu sois mort sous les étoiles, étouffé dans un container, coulé au large du Sénégal, ou fusillé à la frontière, que ta barque se soit renversée, que tu sois tombé sous les balles, qu'un patron de cargo t'ait noyé, et qu'il y ait tout ton village qui chiale. Pense qu'à HEC, à l'ENA, à Polytechnique c'est l'enfer. Faut pas croire que chez ces gens-là, on apprend que les hommes sont frères. Ta vie, nos dirigeants s'en tapent, il faut qu'ils respectent les quotas, afin de flatter leur extrême droite et d'être élus la prochaine fois. Mais il faut pas leur en vouloir, c'est qu'ils n'ont jamais su ce que c'est que d'avoir faim ou d'être noir. Voir leur femme et leurs gosses crever, ils n'ont que de la peur et de la haine pour tout ce qui sent trop fort la vie. C'est sûrement pas le même ADN à Lomé, Meknès ou Neuilly. Non, il faut pas que tu leur en veuilles, s'ils ont que du venin dans les veines et toujours des costumes de deuil. C'est parce que leur monde se gangrène, ils croient qu'il faut pour vivre plus se ratatiner comme des rats dans la position du fœtus. Ils étaient morts bien avant toi. À Niamey, comme à Cotonou, à Brazzaville, à Bamako, au Burkina et au Congo, à Conakry, à Tombouctou, il y a des types qui rêvent de chez nous. Dans le monde, ils sont plus de 3 milliards. Tous les jours qui sont prêts à tout pour gagner plus que leurs 2 dollars.